Caton, déjà présenté plus haut, était originaire de Tusculum, ville située à 20 km au sud de Rome. Marcus Caton, qui fut consul et censeur, dit qu'au milieu de l'opulence de la République et des particuliers, il était arrivé, à l'âge de 70 ans, sans avoir donné aucun soin, aucun embellissement à ses maisons de campagne, sans même avoir fait crépir les murailles de sa demeure. « Je n'ai, ajoute-t-il, ni édifice, ni vase, ni vêtements d'un travail précieux, ni esclave, ni servante, achetés à un prix élevé. Je me sers de ce que je possède. Je me passe de ce que je n'ai pas. Je laisse chacun user et jouir librement de ce qui lui appartient. On me reproche, poursuit-il, de me passer de beaucoup de choses, et moi, je reproche aux autres de ne pouvoir se passer de rien. » Cette franchise ingénue avec laquelle le Tusculan convient qu'il manque de beaucoup de choses, sans cependant rien désirer, est certainement une invitation bien plus persuasive à l'économie et à la patience de la pauvreté que toutes les vaines déclamations de ces Grecs qui se disent philosophes et dont les discours se composent de mots vides de sens. Ils disent qu'ils ne possèdent rien et que cependant ils ne manquent de rien, qu'ils ne désirent même rien, tandis qu'en réalité ce qu'ils ont, ce qui leur manque et ce qu'ils désirent allument sans cesse leurs ardentes passions.